Coucou. Tu veux, on essaye les micros. Bah, on les a déjà essayés, mais je veux dire, et on a Doris aussi qui est là également pour poser plein de questions. Si vous bonjour. Dire. Ouais. Alors ça, comme ça, bonjour. Ça c'est le mien, bonjour. Voilà, génial, incroyable, trop bien. Alors, du coup, Gwendoline, toi tu étais là, t'as deux événements ici à Archipel. T'as fait une perfo hier dans la salle des pas perdus ici même. Et aussi, il y a une installation qu'on peut voir en bas dans les... Elle s'appelle comment encore cette salle ? Le vestiaire, le petit vestiaire des sports. Ouais, vestiaire des sports, voilà. On continue, ouais. Dingue. Donc je vous ferai écouter ça au fur et à mesure. Mais d'abord, en fait, ce qu'on va faire, c'est que moi, j'ai demandé à mon fils de me faire une petite critique d'art sur le travail de Gwendoline Robin. Ouais, donc on va écouter ça tout de suite, comme ça c'est fait. Voilà. Je lui ai montré, donc, pour recontextualiser, vu qu'il n'y a pas d'album en fait, hein, qui est sorti de Gwendoline Robin, vu que c'est essentiellement de la performance, et puis c'est écrit que tu es artiste plasticienne et performeuse. Enfin, bon, voilà, après, ça n'exclut pas de publier un album, pourquoi pas. Mais bref, il n'y en avait pas. J'ai trouvé par contre une super vidéo, Trax. Et voici à peu près le déroulé de ce moment. Alors, ce que je vais te mettre... C'est quoi ça ? C'est un enregistreur. Ça, c'est elle. Maître. Ah oui, oui, maman, madame Dorel. Ah ouais ? Tu la connais ? Oui. Moi, je cherche une musique. Moi aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 27, 28, 29. Vas-y, chante. 11. Ah, tu vois, regarde ce qu'elle fait. C'est quoi ? Elle lance des... C'est quoi ? Des glaçons les uns sur les autres. Pourquoi ? Et après, là, il y a du feu. Où du feu ? Là. Pourquoi elle fait du feu ? Je sais pas. Parce que c'est beau, non ? Écoutez, pour mettre cette chanson-là. Avant, j'ai vu une qui était comme Eva. Ah oui, oui. Tu trouves qu'elle ressemblait à Eva, celle-là ? Ouais, oui. C'est vrai. C'est qui ? Gwendoline Robin, elle s'appelle. Elle s'appelle pas Eva. Non. Elle s'appelle pas Eva. Oh, regarde ça, comme c'est beau. Oh, c'est multicolore. Trop délicieux. Trop délicieux. C'est trop beau. Ouais. Ah, voilà. Oh, la brève. Ça crame un peu, je dois dire. J'avais trop dans la tête. Je me dis, tiens, comment un petit peu faire de la place. Un peu enlever les mauvaises pensées. Ou les trop compliquées. Donc, faire le vide. Bonne explosion et ça fait le vide. Ouais. Et quoi ? Et non, ceci n'est pas le Téléthon, mais une performance. T'as vu ? Il y a quoi ? Ce qu'elle fait ? Je ne sais pas. Bah regarde ce qu'elle a fait. Là, elle parle. Ouais. Ça fait le vide. Comme ça. Oh ! Et non, ceci n'est pas. Alors, tu vois, c'est pas directement de la musique en fait ce qu'elle fait. Gwendoline, c'est qu'elle fabrique. Là, tu vois, elle a fabriqué des cagoules et un masque. Elle met un casque. Il y avait un vieil artificier qui fait créer encore sa poudre noire dans son atelier. Et ensuite, elle se met du... C'est comme des feux d'artifice, tu vois. Elle se met des produits de feux d'artifice dessus. C'était pas une musique, mais c'est ce que Gwendoline Robin, elle fait comme art, tu vois. Et là, moi, quand je vais faire la radio au festival à Archipel... Eh ben elle va jouer ça. On va la voir dans une pièce et elle va faire une performance comme ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Oui. Ça t'a fait penser à quelque chose ? Oui. Hein ? Ouais, voilà. Le pouvoir de la vidéo sur les enfants de 3 ans. Donc après, on a arrêté là parce qu'après, ils voulaient juste continuer à regarder des vidéos de toi. Bref, comment... Bah, du coup, c'est un peu rigolo comme première question, mais je me dis, pour te présenter, ça peut être pas mal de comment est-ce que toi, t'aurais réussi à expliquer ton travail à un enfant de 3 ans. J'aurais donné des allumettes. Pour qu'il allume lui-même. Mais 3 ans, c'est quand même très jeune. Hein. Oui. 3 ans, c'est assez jeune. Oui, c'est ce que je me suis dit en lui montrant ça. Je suis moins habituée. Je fais parfois des stages pyrotechniques avec des enfants. Ils construisent alors avec de la terre, de l'argile, des volcans. Et puis, on met plein de petits pétards, des fumigènes. Et donc, ils créent une sorte de paysage comme ça. Et donc, ils allument tout. Ça, ils deviennent dingues. Et donc, ça, c'est très chouette, mais c'est plutôt à partir de 6 ans. Oui. c'est plus juste. Et enfin, c'est plus juste, oui. Disons que c'est vrai que je ne mettrais pas dans ses mains, quoi, directement, tout de suite. Encore un peu tôt. Mais en tout cas, hier, c'était pas du tout des fumigènes qu'on a eu ici. Non. J'ai l'impression qu'il y a en tout cas des résidus de fumigènes en bas, mais on en parlera après. Et je me demandais déjà tout simplement, est-ce que tu peux un peu... recontextualiser comment ça s'est passé pour ici, juste au niveau du choix du lieu. Est-ce que c'est toi qui as choisi par rapport au sol? Est-ce que, enfin, comment ça se passe aussi un soundcheck et un choix de lieu pour tes performances? Mais si c'est vrai qu'avec Marie, elle m'a proposé plusieurs lieux, enfin de un petit peu circuler en image. Mais moi, ce qu'il me faut, c'est toujours un sol concret, donc que ce soit en béton ou en qui résonne. Et là, ici, c'était bien. C'était avec. Je ne savais pas que c'était des mosaïques. Donc c'était bien aussi, encore mieux, je pense. Ça jouait bien aussi avec les disques de façon visuelle. Et puis après, il fallait quand même aussi de la place pour pouvoir circuler. Parce que j'aime bien que les disques puissent normalement beaucoup plus aussi jouer dans l'espace tout seul. Que je les lance et puis après, c'est eux qui font leur vie. C'est un peu des matériaux que j'aime bien, qu'ils soient aussi libres. Et là, évidemment, c'est un peu à l'étroit. Mais il y a certaines qui ont reçu des... Oui, on entendra ça à un moment donné. Parce que c'est vrai qu'il faut s'imaginer que pour celles qui ne connaissent pas cet espace, mais la salle des pas perdus, c'est vraiment une espèce de couloir très long, donc plutôt étroit, avec un sol en mosaïque. Et donc, effectivement, pour pouvoir rentrer du public, là, ça rétrécit encore davantage l'espace. Et puis Gwendoline, toi tu prends bien l'espace, quoi. Enfin, avec tous les objets, tout ça prend quand même pas mal de place. Donc tout un tas de gens ont reçu des petites billes ou des grosses boules ou des disques sur les genoux, dont mon enregistreur, mais bon, on entendra ça après. C'est très joli. Oui, mais c'était aussi ce qui m'intéressait. C'est d'avoir un espace où le public, il y a vraiment aussi une proximité. C'est important aussi pour créer une sorte de tension, ou bien aussi de dialogue aussi avec les réactions du public. Parce que justement, tu dis que ces disques-là, tu les laisses prendre vie et faire un peu leur vie, mais c'est quand même toi qui les actives. Et tu as quand même un jeu de maîtrise qu'on peut vraiment remarquer. Enfin, on sent que tu t'es vraiment entraîné aussi avec ces disques-là pour pouvoir les maîtriser, parce que parfois tu les rattrapais parce qu'ils arrivaient dans le public, ce qui créait un jeu un peu de, c'est clair, une tension, parce que nous on était hyper impliqués dedans. Mais justement, toi, c'est quoi ce rapport-là un peu au danger ou à ces disques-là pour justement même répéter avec, j'imagine, enfin tu vois, même le rapport au corps, à la danse, je sais pas. Parce qu'il y avait au bowling aussi. Vrai, tu les maîtrisais quand même méga bien. Et parfois, ils arrivaient vraiment sur nous. Et c'était quand même soit du verre, soit du métal. Donc, quand même, et puis, ils étaient assez grands et assez imposants. Et je trouvais ça hyper beau. Et justement, toi, c'est quoi ton rapport à ces objets-là? Et comment est-ce que tu. Ouais, c'est cette maîtrise-là. Comment tu l'as acquérie? Enfin, je sais pas. Mais en fait, je répète pas souvent. Parce que D'abord, il faut d'avoir les lieux. Ouais. Mais en même temps, c'est aussi. J'en ai toujours en double au cas où je le casse pendant les répétitions. Mais ici, j'ai répété seulement une heure hier matin. Parce qu'il fallait aussi que l'espace soit disponible et libre. Mais je pense que c'est. Une fois que je. À partir du moment. Bon, j'ai fait plusieurs fois cette performance aussi, mais ça fait presque un an que je ne l'avais plus faite. Mais c'est une fois que je touche, enfin que j'ai ces disques en main, il y a quelque chose qui se passe. C'est c'est pas, je veux dire, pas une, comment expliquer, c'est un peu mes partenaires. Et donc du coup, dès que je les sens, puis je prends le temps aussi de circuler, je vais pas tout de suite le lancer, mais sentir le poids, puis de voir un petit peu comment le public, où il se situe, qu'est-ce que je peux faire. Mais ça, c'est petit à petit. Et en fait, c'est le son aussi de toutes ces matières qui me dirige aussi. Donc, ça me permet de me concentrer en fait, sur l'action et le mouvement. Mais oui, est-ce que je réponds à ta question? Si, carrément. C'était une demi-question, je crois, désolée. Comment tu as pensé à ces formes-là circulaires avec... Et qui les a fait peut-être ou tu vois. Mais en fait là c'est un jour, j'ai vu c'était des jeux d'enfants quand on mais plutôt qui jouent avec des pneus. Enfin c'était une installation de Francis Alice qui avait fait plein de je sais pas si tu avais vu ça, c'était au Will je pense à Bruxelles. Et donc il y avait tous des enfants qui jouaient dans des pays, enfin partout dans le monde, et c'était avec des cerceaux, mais qu'ils avaient fabriqués, ou des pneus, et avec une petite baguette. Et je trouvais que tous ces objets qui roulent, qui descendent, qui dévalent des routes ou des rues, il y avait quelque chose dans le rapport au jeu aussi qui m'intéressait. Et donc à ce moment-là, je me suis dit tiens, en plus je m'intéressais aussi un petit peu aux lunes de Jupiter, parce que je cherchais aussi un rapport avec l'eau, on cherche dans l'espace la vie ailleurs, et donc l'important c'était l'eau. Enfin bon, et donc j'avais ces lunes qui orbitent autour de Jupiter, il y en avait beaucoup, il y en avait 67, enfin il y en a encore plus je pense. Et donc c'était un peu cette idée-là de dire comment est-ce que je pourrais travailler cette espèce de lien entre la Terre et le cosmos. Et donc c'était un peu de créer des cercles, des disques en verre, le verre j'adore. C'est une matière aussi qui résiste, mais aussi qui peut être fragile. Donc c'est ces deux rapports-là. Et donc c'est comme ça que j'ai construit. Et donc je me suis dit je vais prendre plus ou moins un mètre de diamètre par rapport à la hauteur du corps. Je puisse les manipuler, mais que ça reste pas trop petit, mais que ça joue encore avec une sorte de rapport à mon propre corps. Et puis aussi le poids, parce qu'il fallait que ça soit pas trop. Les disques en verre sont quand même de 3-4 mm, donc c'est déjà lourd, mine de rien. Et, et puis après, c'est avec les trous, les trouées dans les disques pour avoir aussi un son, pour pouvoir le prendre différemment. Et puis le métal aussi, c'était intéressant, parce que c'est aussi. Le côté plutôt sonore aussi, puis la légèreté, ça circule différemment. Quoi. Donc ça vient petit à petit, en fait. Je me demandais par rapport à l'impro, à la fin, tu lances une boule et ça casse les cerceaux en verre, mais en même temps, dans la même action. Est-ce que c'est fait exprès ou... Ah non. Non. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'essaye d'en casser, mais c'est pas toujours facile de le faire parce que je pense que c'est en fonction d'un petit éclat qu'il y a dans les disques, alors ça va péter. Mais ici, moi, je l'ai fait trois fois. Je sais pas si tu étais. J'ai lancé trois fois la boule. Et la première fois, en général, ça peut marcher. Et puis je me dis, oh zut, bon, je refais encore une deuxième. Et puis, deuxième, ça ne marche pas encore. Je me suis dit, c'est dommage. Donc, je me suis dit, en moi, je fais trois fois. Après, j'arrête. Et la troisième fois, elle en a pris deux. Donc, ça, c'était génial. Mais ça, c'est pas du tout. Ce n'est pas moi qui décide. Tu vois, c'est. Et après, il y avait le bruit du crépitement du verre. Mais le public a applaudi très tôt aussi. Oui, c'est toujours un peu le. Oui, ça, parce que ça signifie vraiment la fin, il y a un côté comme ça. Mais c'est vrai que c'est difficile. Mais après, ils se sont de nouveau. De nouveau eu le silence. Ouais. Mais c'est vrai que pour moi, c'est important, ce crépitement qui est magnifique. Il faudrait que. Alors, s'il arrive au milieu, c'est compliqué aussi. Et moi, ce que je trouvais aussi intéressant dans la cinématographie, c'est qu'il y avait toujours une sorte de climax comme ça. Par exemple, quand les cerceaux ils tombaient, ils faisaient des ronds et ça faisait plein de bruit. Puis après, c'était genre. Hyper silencieux parce qu'il était au sol, quoi. Et genre, je trouvais c'était intéressant. Oui, c'est aussi de laisser. De jouer un petit peu avec une sorte de rythme, de laisser des silences, ou laisser en tout cas l'objet terminer sa chute, et sa chute visuelle mais sonore aussi. Oui, c'est ça, c'était un peu comme si on. On assistait à aussi une chorégraphie de, enfin il y avait un peu double chorégraphie quoi, de toi et puis des objets qui, enfin j'aimais assez bien quoi le cette espèce de contraste entre tu sais plus bien qui c'est qui contrôle qui, oui, entre ça, les objets, ouais. la personne qui les active et puis du coup que tu les laisses vivre et puis au début d'installer aussi ce format de confiance, enfin je sais pas si tu vois ça fait partie aussi mais j'ai l'impression un peu risque confiance. Ouais. De se dire, ok, en fait, elle maîtrise vraiment. Donc, justement, on risque pas de se prendre des choses dans les pattes. Non. C'est faux. Mais c'est trop bien aussi. Parce que, enfin, moi, c'est ça aussi qui a fait. Parce que, du coup, bon, je me suis pris, du coup, cette grosse boule en verre de 5 kilos sur le genou. Mais je n'ai pas cherché à l'arrêter ni à bouger. Parce que je me suis dit, ah, tiens. Et ça, c'est étonnant. Ça fait aussi. Partie. Ouais. Mais en fait, en performance. C'est vraiment la confiance. Ouais. La confiance, ou aussi, tu pourrais la rejeter. Oui. Parce qu'il y a certaines performances, mais c'est plus les jeunes enfants alors qu'ils relancent la bille ou qu'ils relancent. Et ça, j'aime assez bien aussi que ça puisse, un peu le public il reçoit ou hop, il rebascule ou il relance la bille ou la boule. Et est-ce qu'il y a des endroits, des pays où justement les gens sont plus réactifs ou parce que, enfin, ça, je me dis qu'il y a quand même un peu quelque chose aussi en Suisse où les publics sont souvent assez très sages. On va dire. Je sais pas, oui. En fait, cette performance-là, je l'ai faite aussi dans des endroits comme... oui, Archipel, c'est quand même aussi une niche un peu... je l'avais faite aussi à la Centrale à Bruxelles, qui est un centre d'art contemporain. Et là aussi, c'est un public qui est peut-être plus à l'écoute, mais en même temps, qui va peut-être moins... qui connaît un peu les protocoles. Si je le fais, par exemple, dans la rue, il faudrait essayer. Ça évidemment, ça change complètement. Ouais. On va s'écouter un petit son. On va s'écouter un petit son de justement ces plateaux qui sont activés, qui s'activent avec Gwendoline Robin. Voilà, donc là, on est en train d'entendre un extrait de la performance de Gwendoline Robin d'hier. Et donc ça, c'est exclusivement le son des plateaux. Et maintenant, je vais enchaîner avec un extrait plutôt avec le son des... des boules. Et voilà, c'était le POC sur l'enregistreur qui était posé par terre. Je vais laisser encore un peu en fond. Jeanne, c'est à toi. Oui, moi, je me demandais, j'ai vu aussi en bas dans ton installation qu'il y avait aussi du verre, aussi de la terre. Ouais. Et j'ai l'impression que tu as un rapport à tous ces matériaux qui doivent être... Il doit y avoir quelque chose. Il y a quelque chose. Il doit y avoir quelque chose parce que tu as un petit peu parlé de Jupiter, de la présence de l'eau. Et on retrouve un peu ces matériaux comme, je sais pas, naturels ou qui nous ramènent à certains imaginaires, je sais pas. Et du coup, je te dis, quel est ton rapport avec ces matériaux? Alors, le verre, ça a toujours été une matière qui m'a attirée parce que quand j'ai commencé mes études, c'était plus dans un atelier qui était l'ancien atelier de vitrail. Donc, du coup, on ne travaillait plus du tout le vitrail, mais on travaillait beaucoup la lumière, la couleur, et la transparence et le lien avec l'espace aussi. Parce que les vitraux, finalement, c'est aussi un peu ça. Ça travaille fort avec l'environnement. On n'entend pas trop. Oui, parce qu'il y a toujours un peu du grabuge dans ce couloir, mais c'est ma foi, ça fait partie de la radio. C'est vivant, quoi. Oui, c'est vivant. Mais donc du coup, c'est ça, c'était le lien, la lumière, la couleur, le vert, c'était en rapport toujours avec un espace, un terrain. Et petit à petit, donc ça c'était durant mes études, mais j'ai gardé toutes ces préoccupations-là. Puis c'était, j'aime beaucoup marcher aussi dans les paysages. J'ai pas mal aussi eu de la chance de voyager aussi dans par exemple, le désert de Uyuni, qui est un désert de sel. Donc ça peut rappeler aussi, tu vois, ces tapis de verre trempés qui sont détruits, enfin des débris. C'est un peu comme des surfaces de lumière, un peu qui peuvent rappeler certains paysages de désert, de terre ou de sel. Donc c'est, quand tu parles de ça, c'est chouette parce que c'est vraiment créer aussi un nouvel imaginaire dans cette installation qui est dans un tout petit vestiaire fermé, qui sont un peu mauvais d'ailleurs. Si vous avez. Et donc c'est recréer quelque chose de plus, d'une sorte de paysage plus infini avec ces sons, les matières utilisées et les transformations de ces matières qui provoquent ce paysage, je dirais un peu... pour que chacun, chacune puisse imaginer quelque chose. J'essaie pas de spécialement donner une image précise, mais c'est plutôt donner une sorte d'envie de voyager comme ça, à travers quelque chose. C'est traverser une sorte de paysage. Et que les matières puissent aussi, sonores, donner aussi appuyer en tout cas cette... Je pense que c'est complètement ce qu'on a senti même dans ta performance hier aussi, parce que tu l'as comme, t'as un peu créé ce paysage-là, tu l'as mis en action, et à la fin, avec tous ces débris de verre, en fait, ça y est resté comme une sorte de paysage, en fait, mais qui était arrêté quand t'as fini ta performance, mais sinon tu l'as créé tout du long, un petit peu, et avec le son, effectivement, qui nous a donné comme des sortes de pistes de fiction, un peu comme ça. Donc, Oui, c'est ça, c'est venu vraiment petit à petit, parce qu'au début, j'étais pas forcément dans le son. Ceci dit, quand je faisais des explosions, c'était très... c'était aussi, évidemment, non. Mais c'était moins... L'explosion, je pouvais moins maîtriser le son, en fait. C'était... Il y a la mèche qui commence, et puis après, il y a l'explosion. Mais ici, avec ces autres matériaux que j'utilise, le verre, les boules en cristal, il y a les petites billes, tout ça, je peux beaucoup plus jouer. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse de plus en plus, c'est de laisser venir l'objet, mais en même temps, et de laisser jouer l'objet tout seul, mais en même temps, de l'activer pour... et tout le temps être dans ce dialogue-là, en tout cas. Activer, laisser, activer... Ouais, comme ouais. Tu peux vraiment gérer la vitesse des mouvements ouais. Et du coup la vitesse du son. Et puis c'est vrai qu'il y a vraiment ce rapport entre activité et arrêt. Et ouais. C'est pour ça que j'ai aussi beaucoup aimé quand il y a eu justement ce moment avec la rupture des disques en verre. Mm-hmm. Puis toi, ce que tu as fait, tu étais accroupie. Le fait de rester accroupie, ça fait que tout le monde reste en attention ouais. comme ça. Et en même temps, personne... Enfin, je pense qu'il y a très peu de gens qui savent que le verre continue à faire du bruit quand, a priori, il se passe rien. Ouais. Et du coup, tu as montré ton oreille, puis c'est là que les gens ont applaudi. Genre un peu, ah tiens, c'est peut-être en Belgique, peut-être qu'on fait comme ça pour dire que c'est fini. Tout le monde a un peu applaudi. Puis là, tu as un peu arrêté au bout d'un moment les gens en disant, ah bon, mais moi, c'est pas tant important que ça, mais en fait, le son du verre qui crépite est très beau. Et du coup, c'est là qu'on a pu un peu profiter de ce moment-là, mais qu'effectivement, même quand ce dont on a l'habitude comme en termes d'événements ne se passe plus, bah, en fait, il reste toujours le son, quoi. Il reste toujours du micro-mouvement qui fait que, en fait, il y a des choses encore à voir et à écouter. Puis c'est un peu ça aussi en bas dans l'installation. On voit qu'il y a un résidu d'événements qui s'est produit. Et qui est toujours là, vivant par l'odeur. On ne sait pas bien ce qu'on sent. On ne sait pas bien si c'est de l'odeur de vestiaire, de la terre. De la terre, il y a peut-être ça aussi. C'est étrange, quoi, les bouilloires. C'est toi qui as choisi d'ailleurs cet espace, demandais. En fait, je l'ai choisi. Et puis je voyais aussi que le sol, c'était intéressant. Donc, je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire comme installation, si le son aussi, si j'allais casser du verre. C'était encore en tout début. Et donc, du coup, le sol était important, un peu fermé, donc c'était bien. Et je pense que... Je ne suis pas sûre qu'il restait énormément d'autres espaces aussi. Mais celui-là, en fait, Marie me disait, oui, mais il n'est pas si évident, mais en fait, ça fonctionne toujours assez bien. Quoi. Et puis, voilà, comme ça, c'est un... Et puis, bon, avec les dimensions, donc j'ai préparé ces tapis où j'ai collé chaque débris. Ah oui, c'est ça. Et, donc, je pouvais les rouler pour les transporter. Ouais. Et puis, après, c'est comme ça que c'est venu petit à petit. Puis, avec Vania Miyazaki. Ouais. Donc, ça, c'est Marie qui m'avait dit, mais voilà, elle peut venir filmer une action, plusieurs actions. Oh. Pour que ça soit une projection après dans l'installation. Ça, j'aime assez bien aussi de faire de plus en plus des installations où il y a eu une action qui a été filmée, et puis quand la projection vidéo est une sorte de mémoire de ce qui s'est passé, mais aussi qui rend une dimension sonore aussi, quoi, qui est importante. D'accord. Et, mais quand tu as fait la performance en bas, il y avait des gens. il y avait quatre. Oui, tu peux pas mettre beaucoup de monde. C'était pour ça aussi. Mais ça, c'était bien, il y avait 4-5, notamment je pense qu'il y en avait un ou deux du lieu, enfin gardien. C'était assez chouette parce que du coup il y avait des réactions plutôt enthousiastes. Donc pour moi, c'est toujours un bon curseur quand des personnes qui ne sont pas forcément dans l'art sont touchées par ce qui se passe, quoi. Ou même les enfants, tu vois, il y a quelque chose, c'est plus direct parfois. Oui, parce que j'ai l'impression, bon, après c'est vraiment juste cette vidéo là que j'ai montré à mon fils, mais où il y a aussi un moment où tu te fais asperger d'eau. Et du coup là on voit aussi juste dans l'action, où après je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui a une performance qui a été faite en direct, ou j'ai l'impression que c'est plutôt quelque chose aussi d'un rapport de la performance, mais aussi un peu chez toi, enfin, ou dans des zones où il y a justement sans public. Oui. Non, là, c'était une piscine, il faisait super chaud, et j'ai eu un peu cette envie de dire, tiens, si on vidait cette piscine dans ma gueule, c'est vraiment ça. Et donc, il y avait une copine et un copain, et ils ont commencé à verser des seaux d'eau. Mais au début, ils jetaient à côté, parce qu'ils n'avaient pas envie de me jeter ça dans le visage, parce que c'est quand même assez violent, mine de rien. C'est aussi un peu lié à un jeu, mais c'est entre jouer et tu vois, et toujours créer une sorte de tension entre les deux. Et c'était à la fin, on voit sur cette vidéo que le visage se transforme. Ouais. il est épuisé. Et je dis, vous continuez tant que je ne dis pas arrêter. Et donc, il disait, mais c'était horrible de te jeter des seaux d'eau et de continuer en voyant que tu n'en peux plus. Quoi. C'était, mais je dis, mais vous n'arrêtez pas. Enfin, on filme. Et, donc, c'était presque plus difficile pour eux, pour elles, ouais. que pour moi. Quoi. Non, c'est fou. Ouais. C'est quoi qui t'a amené vraiment à faire au début, ce genre, pas forcément pour ça, mais en général, justement, ce rapport, parce que tu as parlé plusieurs fois du jeu, mais il y a aussi cette forme de risque, de danger, de quand même manipuler des matériaux qui sont... Enfin, voilà, le verre, ça coupe, quoi. Ça coupe, Et puis même les plateaux comme ça, les disques en métal fin. Oui, ouais, ça peut couper. Il y a aussi ce rapport risque et jeu, parce qu'il y a en même temps un côté très beau, très presque un peu pas innocent, mais c'est vraiment esthétiquement, c'est beau, quoi. Ouais. Et c'est un peu... Je pense que c'est... À jouer avec le feu. Oui, parfois, je le vois comme ça, dans le sens où... J'ai toujours besoin de savoir que je suis très vivante, enfin que je vis. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est peut-être un peu psychologique, mais il y a un côté comme ça de chercher une limite qui n'est pas non plus mortelle, mais de un petit peu me dire, tiens, jusqu'où je peux aller pour trouver une sorte de sensation comme ça vivifiante. Ouais, et puis ça vient un peu aussi, je pense, encore de l'enfance. On a toujours envie d'aller un peu plus loin. C'est nos parents qui nous disent, faut pas aller là, faut pas. Mais d'avoir cette liberté aussi d'aller un petit peu plus loin. Quoi. Moi, plutôt pratique. Est-ce que le matériel tu le crées ou tu le fais faire avec des. Ouais. Alors du coup, tous les disques en verre et en métal, je les fais fabriquer. Donc là, je décide la dimension et je vais chez un vitrier. Donc tu as des mesures plutôt précises ? Oui, j'ai des mesures. Par rapport au son que ça va faire ? Ah oui, alors évidemment, je ne suis pas non plus musicien. Enfin, tu vois, je me suis dit, tiens, si je fais tel troué dans ce cercle-là, je vais en faire un différent, un plus petit. Puis après, j'expérimente et... j'ai de la chance, c'est que ça fonctionne, il y a des sons différents. Mais je ne vais pas non plus calculer exactement. C'est plutôt des... Je me dis, tiens, cette dimension-là... Et aussi, c'est un peu visuel. Quand même. Tu vois, et puis après, ça fonctionne. Quand même. Et là, ceux qui sont classés, tu vas refaire les disques avec les mêmes dimensions qu'avant ? Ok. Ouais. Enfin, c'est vrai que maintenant que tu me dis ça, c'est vrai que je pourrais peut-être changer. Non, c'est pas. Oui, pourquoi pas. En fait, en tout cas, je vais les refaire parce que si j'ai une autre performance, comme ça, j'en ai encore. Parce que sinon, toutes petites billes en verre, tu les fais aussi faire ? Non, les petites billes, les toutes petites, on les trouve dans la droguerie Le Lion là, à Bruxelles. Ah ok. Et ce sont des petites billes qui sont utilisées pour, je crois, la chimie ou. Il y en a encore des plus petites pour mettre dans les bics à billes. Ah, oui. Tu vois, c'est ça. Donc ils en vendent au kilo, quoi. Donc ça, j'achète. Mais bon, pour l'instant, je les récupère aussi de plus en plus. Les petites billes de plomb, je les achète aussi. Ou parfois, tu vois, les sphères en cristal, les grands. Ça, c'était au marché aux puces à Bruxelles. Ah, wow. Il faut un peu chercher de temps en temps. Est-ce que tu voudrais faire un remix ? Un remix ? Ouais, une cover pour refaire... pour refaire une adaptation de de l'œuvre de Gwendoline. Il faut juste les dimensions après. Voilà, c'est ça. Oula. Il faut juste le patron. Et... Ça, bon. Attention. Je vais passer un dernier extrait de l'installation, de ce qu'on peut entendre dans l'installation en bas, au vestiaire du sport. Et après, il va nous rester peut-être le temps pour une demi-question. Et ce sera déjà l'heure de se dire au revoir. Thank you. Très bien. Ben voilà, donc ça c'était pour recontextualiser, donc juste un enregistrement d'une petite promenade dans l'installation de Gwendoline Robin en bas dans le vestiaire du sport. Voilà. Moi j'avais une petite question, plutôt une observation, mais quand tu faisais rouler les cerceaux, à un moment ils tombaient et puis donc ils roulaient, enfin genre ils, je sais pas comment on dit, et puis à un moment ils s'immobilisaient complètement au sol. Et puis là, tu ne les ramassais jamais. Ils restaient, une fois qu'ils étaient tombés au sol, ils restaient au sol. Oui. Mais c'est un protocole que je me suis dit, ici, je les fais jouer. Et puis à un moment donné, s'ils tombent, voilà, c'est terminé. L'action avec, en tout cas, ce disque-là, il est terminé. Mais donc, il y en avait certains qui tombaient très vite. Donc, il faut aussi improviser par rapport à ça. Oui, oui. Mais bon, oui. Mais en fait, c'est ça que j'aime bien aussi dans la performance. C'est que je ne sais jamais quand ils vont tomber réellement. Ou si parfois, je les rattrape un petit peu à la dernière minute. Mais ça, c'est un peu le jeu du moment qu'ils sont en train de se faire. C'est un peu la performance, c'est ce qui est en train de se réaliser, de se vivre. Mmh. C'est plutôt ça, quoi. C'est comme une expérience à partager, en fait. Toi, t'aurais voulu que je le ramasse. Je sais pas, je me suis dit que c'était l'observation. Oui, mais c'est ça. Je me suis dit, une fois que c'est au sol, c'est au sol. Je prends un autre ou je passe à autre chose. Bah, justement, il y avait des jeux d'échelle qui étaient hyper intéressants, je trouve, parce que moi, je voyais pas ce que t'allais sortir. Ah oui. Et en fait, parfois, j'avais presque peur, en fait, de ce que t'allais sortir. Et parfois, il y en avait des tout petits aussi. Il y avait des tout petits cylindres, enfin, cerceaux. Enfin, je sais pas comment on peut les appeler. Cerceaux, Et ça, c'était hyper drôle parce qu'on savait jamais ce que t'allais sortir, quels sons ça allait faire et si ça allait peut-être nous heurter, tu vois, comment ça allait nous tomber dessus. Et donc, super, super chouette. Et peut-être, est-ce qu'on a du temps pour une dernière petite... Oui. Bah moi je me demandais comment est-ce que le son est arrivé dans ton travail. Ça a été quoi peut-être ta première source d'émotion avec le son, tu vois, parce que je pense qu'on y arrive toujours par. Mais en fait c'est non mais c'est vrai que le son en fait il est arrivé enfin en tout cas la conscience du son dans la performance aussi c'est j'ai travaillé avec Gareth List un compositeur qui est décédé maintenant, mais on a fait une performance ensemble et lui jouait du trombone et moi je marchais sur des explosions. Et alors il y avait ce tout d'un coup le fait de travailler avec quelqu'un qui travaille avec le son, il y avait une écoute des pas aussi que je faisais dans la terre, et donc une conscience comme ça qui se passait, que le son pouvait être aussi un fil conducteur. Et donc à partir de ça, j'ai commencé à travailler avec des parcours où le son était de plus en plus important et donnait une sorte de rythme, et en fait comme une ligne dramaturgique presque. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire plus des installations où il y avait une sorte de transformation petit à petit, ce son qui donnait cette ligne. Quoi. Ok. Mais bon, après c'est... Moi j'avais une dernière. Vas-y. Ouais, parce que du coup, ça donne envie. Mais du coup, c'est quoi ton rapport à l'explosion, du coup, parce que tu en parles beaucoup, c'est hyper présent dans ton travail et ça m'intéresse trop. Mais en fait, l'explosion, c'est... Mais en fait, c'est aussi des... Moi, j'ai toujours été aussi fascinée par les volcans, par le coup de tonnerre. Enfin, toi, c'est plutôt météorologique ou alors des éléments naturels. Et je pense que c'est un peu ça, comment être au milieu d'une sorte d'expérience comme ça, physique et sonore avec des matières qui, pour moi, sont vivantes. Quoi. Et donc, c'est un petit peu ça que je cherche aussi dans la performance, c'est de toujours être en direct avec une matière qui peut m'amener ailleurs ou je perds le contrôle puis retrouver et c'est un peu comme ça je trouve dans peut-être pas les volcans mais j'en ai vu quelques-uns avec les odeurs on approche petit à petit il y a un son il y a une tension qui monte et comment arriver à transmettre ça dans une performance donc c'est un peu avec ces un jeu de dialogue vraiment et cette fascination aussi pour des éléments comme ça qui sont plutôt de l'ordre de naturel Puis l'apaisement qu'il y a après qui du coup ça, est d'autant plus fort il y a un super, truc de tout à coup ça explose ça fait un boucan même là les plateaux quand moment où il s'écrase enfin ceux en métal c'est fou ça fait vraiment il s'écrase comme une crêpe mais genre en une seconde quoi slack et ça fait un boucan pas possible et juste après on peut apprécier le calme quoi vraiment trop beau. Ah ben super, oui, non, c'est vrai que l'apaisement est hyper important aussi, c'est... Avec cette, après cette montée. Ouais, ça fait trop du bien, ces contrastes. Enfin, bon. Ouais, il faut que ça Ben, merci beaucoup. Ah ben, merci à vous, super. Merci. Sauf s'il y a une dernière question autour de la table, mais sinon on peut... C'est bon. Je suis convaincue. Très bien. Note, on t'a pas dit, à la fin on met une note sur 10. Non, on est trop salaud. Non, c'est pas vrai. Ben, alors merci beaucoup Gwendoline Robin. On se retrouve plus tard hein, dans la journée et dans la semaine, parce qu'en fait tu vas rester là un petit moment. Alors tu repars aussi. Ouais, je repars, je reviens. Voilà. Yes.